savoir en Hawaï avec la princesse au petit pois. Ici Marianne et Justine, bienvenue à l'émission. Salut tout le monde, ici Justine. Hola, ici Marianne. Et bienvenue à l'émission Le Club des non-membres. On vous souhaite une super bonne action de grâce. On espère que vos dents étaient bonnes cette année. On passe à la blague numéro 1. Tu as combien de moutons maintenant? 4786. Formidable! Et comment tu arrives à les compter? Ben, je compte les pattes puis je divise par 4. Mon ami, tu veux manger les patates? Des patates pilées, des patates cheese whiz, n'importe quelle sorte de patates. C'était une blague. Le truc écologique de cette semaine, c'est pas le Willy Waller 2006, mais bien le Willy Waller 2010. Ok, c'est une blague. Sérieusement. Le truc écologique de cette semaine, c'est à propos de réutiliser. Comme on peut réutiliser les sacs d'école puis les boîtes à lunch à chaque année à la place d'en acheter des nouveaux pour l'école, ou puis aussi les habits de neige, puis les crayons aussi, puis les stylos, puis les effaces. On utilise presque pas les effaces en plus pendant l'année. Fait que c'est mieux de réutiliser tout ce que tu as acheté l'année d'avant. Wouhou! Réutiliser! Puis tu peux aussi réutiliser les sacs en plastique, comme tu peux les mettre dans les poubelles à la place de les jeter dans la poubelle. Fait que c'est ça le truc écologique de cette semaine. Réutiliser! Wouhou! L'histoire de cette semaine, comme je vous ai dit au début de l'émission, la princesse au petit pois. Ou plutôt, la moyenne à la gomme mâchée. Bon, il était une fois à Sydney en Australie, un garçon nommé Kevin qui était un surfeur. Ouais, tu sais, je suis un surfeur. Et moi, là, je me cherche une blonde pour me marier avec. Mais je cherche une Hawaïenne, ce qu'on n'a pas ici. Hey, garde du corps, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Peut-être aller en Hawaï. C'est donc tu vrai, ça? Tweet, je vais aller en Hawaï, parce que moi, je veux une Hawaïenne. Je voudrais que tu sois Hawaïenne, à place d'être une Américaine. Yeah. Les Hawaïennes, c'est des Américaines, voyons. C'est donc tu vrette, tu sais. En tout cas, je m'en vais acheter les billets d'avion. Merci. Alors, ils furent le tour du monde pour trouver l'Hawaï, parce qu'ils n'avaient absolument aucune idée c'était où l'Amérique. Ce qui était quand même bizarre. Mais enfin, après un long voyage, il trouva l'Hawaï. Il alla sur la plage et chercha pendant très longtemps une bonne Hawaïenne. Mais c'était toutes des Américaines. Même si l'Hawaï, c'est en Amérique. Pof! Il était vraiment fatigué, alors il alla voir dedans un restaurant s'il pouvait manger quelque chose. Je voudrais une pizza hawaïenne. Je voudrais que la pizza soit hawaïenne à place d'être au pepperoni. C'était le soir et en plus il y avait une tempête de pluie, alors il décida d'aller à l'hôtel. Puisque Kevin était très riche, il décida de prendre l'hôtel au complet et même de l'acheter pour avoir la paix. Et il dit à toutes les personnes qui étaient dedans de foutre le camp, sinon il devrait payer le quadruple du prix. Oh, quelle méchanceté! Oh. Enfin, je vais avoir la paix, tu sais, et personne d'autre va avoir la paix. Vers minuit et demi, Je vais aller répondre. Oh, bonjour monsieur. Oh, salut. Bonjour. Eh bien... Je voudrais vous demander si... je suis la garde du corps de cette Hawaïenne et nous aimerions bien avoir une chambre d'hôtel. Je vais aller voir avec le nouveau propriétaire. Monsieur le propriétaire, monsieur le propriétaire, monsieur Smith. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux Hawaïennes qui veulent une chambre dans l'hôtel. Des Hawaïennes? Hé, comment tu sais que c'est des vraies Hawaïennes puis c'est pas des Canadiennes ou des autres choses? Parce qu'ils me l'ont dit. Ouais. On va les voir. Oh! Salut. Bonjour. Est-ce que tu aimerais ça, toi et ton garde du corps, de venir prendre un repas, même s'il est minuit? Ok, bon. On peut-tu juste rentrer là, il pleut comme super fort? Oh oui. Rentrer. Alors, il prit un repas en plein milieu de la nuit et parlèrent, ils se connaissaient mieux. Ensuite, c'était temps d'aller se coucher. Mais Kevin voulait savoir si cette fille était vraiment une Hawaïenne. Et il savait qu'en Hawaï, les personnes mangeaient beaucoup de gomme. Alors, il demanda à son garde du corps s'il avait une idée qui pourrait avoir rapport avec la gomme. Oui, en fait, j'ai entendu un truc que les Hawaïennes, les vraies Hawaïennes, si elles dorment sur... même s'il y a 20 matelas et il y a une gomme en dessous, elle pourrait le sentir. Mais il faut que ce soit une gomme mâchée d'Hawaï. Très bien. T'sais, va acheter une gomme, puis je la mange, oui. Ah oui, et il faut exactement 20 matelas. Très bien. Prépare 20 matelas plus 20 couettes. Puis on va voir s'il est vraiment une Hawaïenne pour que je puisse la marier. Tiens, prends-la. T'es bonne. Tu peux la prendre. Si tu veux, tu peux la manger un petit peu plus, tu sais, pour que ce soit un petit peu plus mal. Je pense que ça sera correct, monsieur. Sérieusement, là, mon goût de la salive, elle goûte rien. C'est correct, je vais la mettre en dessous des matelas. Bon, maintenant, on va voir si c'est une Hawaïenne ou bien si c'est juste quelque chose d'autre. Tu sais, selon moi, elle est l'heure d'une Russienne. C'était le temps d'aller se coucher. Alors, la Hawaïenne arriva dans sa chambre. Pourquoi mon lit est tellement haut? Aucune raison. C'est tout de même dans tout l'hôtel. Ah. Elle alla voir dans les autres chambres et c'était tout très bas. Mais bon, ça par rapport. Le matin venu, le garde du corps et Kevin alla voir dans sa chambre. Pete, combien t'es dormite? Vraiment pas bien. Il y avait comme un genre de morceau, je sais pas quoi, qui était comme en dessous de moi. Ou je sais pas pourquoi, puis ça m'a empêché de dormir comme toute la nuit. C'est vraiment pas confortable. C'est super dur en plus. Wow! C'est vraiment un Hawaïenne? Mademoiselle, voulez-vous m'épouser? Oui! Yeah! Alors, l'Hawaïenne et l'Australien vécurent heureux pour toujours. Oh! Et j'oubliais, le garde du corps et la garde du corps de la fille vécurent heureux eux autres aussi, ensemble. La fin! Bon, maintenant, on va vous dire la blague numéro 2. Un homme vient frapper en pleine nuit à la porte d'un asile de fous. Au secours! Je suis devenu fou! Je dois absolument être interné! En plein milieu de la nuit! S'étonne le portier. Vous êtes fou! C'est déjà la fin de l'émission! Eh bien! On va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Eh oui, bye! Vous pouvez nous écouter sur iTunes ou sur les tubes des Normands. Bye!